nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les films que j'ai faits n'ont, en définitive, aucun rapport avec ceux que je pensais faire, disait Claude Chabrol, en souriant. Il jugeait qu'une fois les comédiens choisis, il était un peu ridicule de les diriger. Dans l'émission Clap sûr, le metteur en scène, alors occupé à tourner Nada, parlait de ses débuts, de la critique, d'Hitchcock, de films alors récents tels que La Grande Bouffe ou Le Dernier Tango à Paris, des critiques, de la bêtise, l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas, de ses bides, de ses succès, de la perfection presque atteinte par Fritz Lang. Clap sur Claude Chabrol, première diffusion sur France Culture, le 22 août 1973. C'est toujours la même chose. Face au cinéma, il y a une paresse mentale dont on aurait honte de faire preuve à l'égard de la littérature. Claude Chabrol, Les Cahiers du cinéma, 1955. Attention, c'est pour tourner. Bon, c'est pour tourner. C'est pour tourner. Bon, le silence, s'il vous plaît, on le tourne. Non. Le silence complet, s'il vous plaît. Quand on veut. Je m'éclate, hein. On se tait, s'il vous plaît. Chut. Moteur. Tour. Nada, 56G sur 3 premières. Pierre Girard, Richard Rhin, Janine Chollet, Clap sur Claude Chabrol. Tu peux venir au dîner ? Je mets des mémos. Oui. Donc, j'espère que ça ne va pas être la même chose qu'hier. Deux, trois, plus les anglais. C'est ça, oui. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Deux, trois, quatre, cinq. Remarque, on pourrait aller à Condé. C'est où la Ferté-sous-Jouarre, c'est là. Claude Chabrol, 43 ans, 28 films, 18 millions de spectateurs. 1957-1958, Le Beau Serge. 58, Les Cousins. 59, À Double Tour. 59-60, Les Bonnes Femmes. 60, Les Godelureaux. 61, L'Avarice. Sketch des Sept Péchés Capitaux. 61, L'Œil du Malin. 61-62, Ophélia. 62, Landru. 63, L'Homme qui Vendit la Tour Eiffel. Sketch dans Les Plus Belles Escroqueries du Monde. 64, Le tigre aime la chair fraîche. 64, La Muette, sketch de Paris vu par. 65, Marie Chantal contre Dr. K. 65, Le tigre se parfume à la dynamite. 66, La ligne de démarcation. 67, Le scandale. 67, La route de Corinthe. 67, Les biches. 68, La femme infidèle. 69, Que la bête meure. 69, Le boucher. 70, La rupture. 70-71, Juste avant la nuit. 71, La décade prodigieuse. 72, Docteur Popol. 73, Les noces rouges, les deux dramatiques pour la télévision. Oh la vache. Ça a commencé... J'avais un oncle, le frère de mon père, qui avait un cinéma. Le nouveau théâtre, qui n'existe plus maintenant, qui est devenu un immeuble. Et alors j'y allais très souvent. Le premier film que j'ai vu, je ne sais pas si c'est le premier que j'ai vu, mais c'est le premier dont je me souviens, c'est Anthony Adverse. Ça doit dater de 34 ou 35, donc j'avais 4 ou 5 ans. Quoi. Alors là, il y avait une scène qui m'avait beaucoup frappé, mais c'était un beau jeune homme, qui était le Tyrone Pauvert. Non, je crois que c'était Frédéric Marchand, enfin je ne sais plus qui c'était, enfin, c'était Frédéric Marchand. Et il y avait un méchant vieux, et il se battait en duel, et le méchant vieux tuait le beau jeune homme, ce qui était impressionnant. Et c'était son fils qu'il vengeait plus tard, enfin, 30 ans plus tard. Alors ça m'avait beaucoup impressionné. Disons que dans le cinéma français que j'ai en horreur... Jean-Patrick Manchette. Chabrol est un de ceux que je n'avais pas en horreur, au contraire, qui me paraissait intéressant, qui me paraissait vraiment dans les, disons, les deux, trois meilleurs. Oui, les deux, trois meilleurs, sans problème. Je ne me sens vraiment pas bien. Tu veux que je dise au toubib de passer? Je suis gavé de médicaments. Je vais me coucher. Je prendrai un bouillon de légumes. Encore, tu crois? Mais je fréquentais pas du tout les studios, tout ça. Mais j'avais quand même envie de... J'avais envie de faire... J'en rêvais, quoi. La nuit, de temps en temps, je rêvais que je disais moteur. Je tourne, un truc comme ça. Et puis, là-dessus... parle l'histoire, une histoire d'une grand-mère de ma première femme qui était morte, qui avait laissé un peu d'argent, enfin, qui lui a laissé un peu d'argent. J'ai emprunté cet argent pour faire mon premier film. Et puis alors, ça s'est fait d'une façon complètement naturelle. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas eu de... Je me suis pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être. Je me suis dit, bah, tiens, cet argent, je vais faire un film avec. Je n'ai aucun, absolument pas l'impression. J'ai eu l'impression de me laisser porter, quoi, d'être porté par un courant. C'est très bizarre, mais avec le cinéma, à ce point de vue-là, c'est que le... j'avais aucune connaissance particulière, quoi. J'avais vaguement vu comment les films étaient faits en les voyant, mais c'est tout. Bonsoir, maman. Bonsoir. Paul est déjà de retour. Oui, je sais, j'ai vu sa voiture. Tu es arrivé plus tôt que d'habitude. Oui, j'ai regretté ton absence. J'aime que ma femme m'attende à la maison. Ah, je recommencerai plus. Je suis crevé, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet. Je disais, bon, peut-être que plus tard, je produirai des films à des copains, à eux, je tâcherai de trouver le moyen. Je devais être pharmacien. Mais... J'ai l'impression que... Il y a d'autres gens de la nouvelle vague qui sont bouffés par les idées. On était surtout d'accord sur ce qu'on n'aimait pas. On n'était pas tellement d'accord sur nos préférences, encore qu'un petit peu. Mais on était surtout d'accord sur ce qu'on n'aimait pas. Enfin, je veux dire le. On n'aimait pas toute une partie du cinéma français d'avant-guerre, quoi. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple d'un bon film, voilà, pour vous donner une idée très bête d'ailleurs, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Bon, pour prendre l'exemple d'un bon film, La Kermesse héroïque, bon film, hein, c'est un film qu'on détestait parce qu'on partait du principe suivant. Voilà un film qui, à chaque début de plan, est un tableau flamand. Et dès qu'on dit moteur, le tableau flamand se disloque. Et alors, on trouvait ça ridicule, oui. Le Franck est une belle salope, sous ses airs bonasses. Un beau dégueulasse, une ordure pourrie, une pourriture puante, enfin bref. Il m'a déconseillé, avec toute l'impudeur qui le caractérise, d'intervenir directement auprès du ministre. Moralité, l'affaire m'est passée sous le nez. J'étais tellement furieux que je suis parti à la suspension de séance. Je commence à m'emmerder avec la mémoire du général. C'est difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de périodes dans Chabrol, puisqu'il a fait des films au début, avec du succès dans la nouvelle vague, je veux dire, le beau Serge et les cousins. Il y a une première période qui s'est terminée par la déroute complète des troupes. Des spectateurs aussi, à la fin ça y venait plus du tout, qui s'est terminé après. Enfin, il y a eu quatre échecs de suite. Là, il y a eu Les Bonnes Femmes, Les Godelureaux, L'œil du Malin et Ophélia. C'était quatre gros bides. Et alors après ça, il y a eu Landru qui a marché à peu près, mais enfin, ça n'a pas été non plus le bout du monde. C'était pas. Enfin, bref. Après, j'ai eu une deuxième période, donc c'est disant que c'est une première période. Et la deuxième période a été plus dirigée vers le récit d'aventure pure, si j'ose m'exprimer. Il a recommencé à fonctionner, il a trouvé sa manière à partir des biches, à partir du moment où il a fait les biches, bon, et tous ceux qui ont suivi, où on a cette impression un peu d'une équipe aussi de comédiens, pas seulement technique, mais une équipe de comédiens qu'on retrouve de film en film. Bon, c'est bien, ça va très bien, sauf quand tu pars vers la fenêtre là-bas, ne viens pas trop sur la gauche, pas tout droit, pas tout, non, non. Normalement. Là, tu as fait un arrondi comme ça. C'est ça. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans un restaurant. Michel Duchaussois. Ce qui est d'ailleurs très fidèle à sa légende et à son habitude. On s'est rencontrés dans un restaurant. Il m'avait dit, j'ai envie de vous faire travailler. Moi, j'avais dit, j'en serais ravi. Et puis, il a dit, un jour, on a l'occasion, voyons-nous et déjeunons ensemble. Et puis... On s'est retrouvé dans le restaurant et puis on a commencé par déjeuner et puis par discuter. Et puis il a dit, bon, on verra comment les choses se passent. Et puis d'ailleurs, 15 jours ou 3 semaines après, il m'a proposé le rôle d'un inspecteur de police dans La femme infidèle. Un acteur, c'est un type qui... il a un problème aussi. Le bon acteur, c'est le type qui doit être à la fois rester complètement lui-même, bien entendu, il ne s'agit pas de se transformer, rester complètement lui-même et se marier avec d'autres personnalités d'acteurs qui restent elles-mêmes et que l'ensemble forme un tout homogène. Enfin, c'est ça un bon acteur, et que ça soit possible. Je suis le roi d'Espagne. Tiens. Viens. Mais c'est tranquille, ferme-toi 2 minutes. Oh, mais ils vont nous enfermer, alors. Non, j'ai la clé. Ah, oh, là. Mais dis donc, si on nous découvrait... Oh, il y a 60 pièces. Ça t'excite pas de faire l'amour dans la vie historique, toi, hein? C'est toi qui m'excite. Oh, dis donc, on est les rois ici. Ma reine. Attends. Ah. Oh merde. Oh, ça gît partout, attention. Et alors? Alors déjà, il y a des acteurs qui sont bons dans les films mais pas bons dans d'autres. Il faut faire attention dans le choix. Une fois que les acteurs sont choisis, je trouve assez ridicule de les diriger. Enfin, de les diriger, de leur donner des intonations, des trucs comme ça. Parce que je crois qu'il faut que les acteurs restent eux-mêmes, s'exprime. Voilà, il semble bien qu'une bande de jeunes de la ville ou du voisinage commence à se croire tout permis. Il faudra peut-être s'en occuper, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils font du bruit. Ah, non seulement ils font du bruit, mais ils se conduisent d'une façon déplorable. On se demande même s'il n'y en a pas qui grimpent dans le château. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, à différentes reprises, on a trouvé dans plusieurs pièces des mégots. Et dans les chambres, les couvertures des lits étaient tout froissées. C'est quand même scandaleux. Il a une fidélité dans ses comédiens. Il a un peu une troupe de comédiens. Et je crois qu'il n'y a aucun lien de parenté entre l'inspecteur de police de La femme infidèle, l'avocat dans La rupture, le père dans Que la bête meure, ou le professeur de philosophie dans Nada. Il se trouve qu'il a peut-être un peu envie d'une couleur, d'une nuance dans ces personnages-là, mais ce sont des personnages qui n'appartiennent pas du tout à une même famille, je crois pas. En plus, il aime bien faire varier un peu les comédiens. Il ne se sert pas de la même note chez les gens. Il aime bien les faire varier un peu. Bonjour Henri. La femme de l'adjoint est morte. La femme de l'adjoint? Monsieur Maury? Oui. Pauvre femme, elle était toujours malade. Et Madame Chabrol? Elle s'appelle Stéphane Audran. Elle a tourné 13 films avec son mari. Elle a tourné aussi avec Éric Romer, Jean Delannoy, Anatole Livac, Frédéric Rossif, Philippe Labro, Étienne Perrier et Louise Buñuel. Bonjour Madame Morlon, je vous apporte quelques livres. Merci beaucoup, Madame Delamare. Nous parlions de la mort de cette pauvre Madame Maury. Vous êtes au courant? Oui, je viens de l'apprendre. Elle était toujours malade. Et titre transréel. Ça doit être difficile, ça. Oui. Très difficile. C'est un style de tournage que je connais. Maurice Garrel. Parce que à la télévision, ça se passe un peu de la même façon, quoi. C'est-à-dire, c'est un film sans vedette, alors donc sans cérémonie, sans hiérarchie de toutes sortes. Quoi. Comme parfois sur les films commerciaux, il y a quand même d'abord un appareil beaucoup plus énorme, alors que là, l'équipe n'est pas énorme. Et puis, le style est assez familier. Quoi. Puis, c'est ce qu'aime Chaprol, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il donne toute la liberté. Fabio Testi. Et on peut faire ce que nous voulons. Et on demande à chaque fois, on a une idée de mettre dedans, une idée tout à fait de nous. Et lui, il n'a jamais dit non. Jamais. Il prend toujours les mêmes techniciens, il prend souvent les mêmes acteurs. Ce sont des gens qui se connaissent. Gli attori sono molto a suo agio. Marie-Angela Melato. Cioè, il même pas peur. Il tranquillise tout le monde. Dégagez la porte, s'il vous plaît, qu'on voit ce qu'il y a dehors. Bon, Jeannot. Jeannot nous prévient si on peut tourner. Et c'est agréable de travailler avec lui, il est sympathique. Jeannot, chef électricien. Assez facile à travailler. Bon, on va y aller. On va y aller. Souvent, le travail est plus facile pour nous parce que il a beaucoup de métiers, il sait où il va et en plus il arrive souvent à nous faciliter les choses d'une façon ou d'une autre. Quand on a des problèmes ou des difficultés, il arrive à nous arranger des... Guy Chichignou, ingénieur du son. Oh ben dans le travail, déjà, c'est un garçon merveilleux, parce qu'avec lui, on n'a pas du tout l'impression de travailler, déjà. Ça, c'est déjà un bon point. Attention, moteur. Nada, 56G sur deuxième. Oh non, pas tout à fait de vacances, parce que c'est un air comme ça de dilettantisme, on fait notre travail. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on est une équipe. On se connaît déjà depuis pas mal de temps. Chacun sait comment l'autre travaille, ce qui facilite beaucoup de choses. Le tournage lui-même, l'atmosphère du tournage, la fabrication de la chose me plaît beaucoup. L'équipe me plaît beaucoup. Enfin, le travail, le côté grand qu'on scout, là, comme ça, me plaît bien. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est particulièrement content d'un plan qu'on a vu à des rushs? Moi, je me méfie beaucoup. Quand un plan est très beau au rush, en général, au montage, il sort pas de la même manière. Je suis pas tellement un homme de rush. Enfin, te voilà. C'est une surprise, hein? Ben oui. Ah. Mais, écoute, mais lâche-toi. Je veux pas que ta fille nous entende. Mais où tu m'emmènes? Là. Bon, parce que j'aime l'atmosphère du tournage et puis parce que je trouve que il y a tellement de choses à montrer qu'on peut en montrer très peu par film, que c'est... Je suis en train de regarder les hirondelles et un papillon, là, ben, ça serait très joli à montrer ces jours. Bon, ben, dans ce film-là, je pourrais pas les montrer, ben, ça y est, ça m'est entré dans la tête. Je ferai certainement un film où il y aura des hirondelles et un papillon ensemble, et ben c'est... Ce film-là, je l'aurais fait à cause des hirondelles et du papillon, quoi. J'ai perpétuellement une envie de tourner. Nada, 56G sur deux premières. Partez. J'essaye de faire au maximum de son direct. Et avec ce son direct, ma foi, on écoute une fois le film monté, ce qui a vraiment de valable dans le film, parce que quand même, ça c'est comme une photo qui est parfaite quand les gens sont tous en randonnion, et une photo prise en document, c'est quand même le document qui est le plus valable que la photo parfaite techniquement. Là, en son, c'est pareil. Moi, je considère, enfin pour mon goût personnel, un son d'une qualité technique inférieure, mais d'une vérité qui est plus franche, quoi. Qu'un son parfaitement doublé et qui est insipide la plupart du temps. Il prépare tout à long terme. Jean-Patrick Manchette. C'est-à-dire qu'il a... Auteur de Nada, publié dans la série Noire. Il a une équipe avec laquelle il travaille pratiquement en permanence, il filme sans arrêt. Donc d'une certaine façon, on peut considérer qu'il y a déjà plusieurs années qu'il prépare Nada, même s'il ne savait pas qu'il allait le faire. On prépare Nada et ce qu'il a fait avant Nada, ce qu'il fera après, puisque ça fait des années qu'il accumule des gens autour de lui pour faire son équipe technique qui fonctionne, enfin, tout baigne dans le beurre, comme dit le poète. Il sait exactement ce qu'il attend de chaque mec, et les mecs savent exactement ce qu'on attend d'eux. Nada. Cinq hommes et une jeune femme, par haine de la société, par désespoir, décident de former un commando nihiliste et d'enlever l'ambassadeur des États-Unis pour réclamer une rançon et lancer une proclamation anarchiste. D'après un roman de Jean-Patrick Manchette. Pour écrire un truc comme Nada, il faut être dans certaines conditions dans lesquelles était Manchette, c'est-à-dire qu'il avait... il l'a écrit dans un instant de colère. Il m'a dit, bon, il était furieux à prendre ses personnages. Et alors, il a écrit ça dans la colère. Et tout ça, ça s'est passé dans un milieu qui l'intéressait, qui l'amusait, enfin, qui connaissait un petit peu et tout ça. Alors que moi, c'est un milieu que je connais pas très bien. Enfin, pour moi, le sujet est très simple. Enfin, c'est montrer qu'en face du terrorisme des individus. Quel qu'il soit, là c'est un terrorisme maladroit et limité à vraiment un tout petit groupe d'individus. Il existe un terrorisme beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que le terrorisme d'État, qui est une espèce de grosse machine qui se met en branle dès qu'il y a un contre-terrorisme d'État, qui se met en branle dès qu'il y a une forme de terrorisme qui s'amène et qui broie tout. Bon, et avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'injustice, de terreur, de... C'est un western, c'est presque un film de guerre. Il y a un assaut de fermettes, il y a des dizaines de policiers, il y a des hélicoptères. On circule beaucoup, il y a beaucoup de décors. Ça n'a rien d'intimiste. Toute la dernière période de Chabrol était très intimiste. Ça parle de choses importantes. C'est-à-dire que je suis très, très, très, très inquiet de voir l'importance que la police peut prendre dans un contexte politique. Alors qu'elle perd de plus en plus d'importance dans un contexte pénal, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'extrémistes arrêtés et de moins en moins de voleurs et d'assassins. Enfin, c'est bien connu. Bon. Il n'y a jamais eu autant de vols que depuis que le ministre de l'Intérieur est ministre de l'Intérieur. Au contraire, ça augmente d'année en année. Je me demande si c'est même pas lui qui les fait. À l'arrivée, on a envoyé la police dans une autre direction qui est... Alors là, c'est là où je... C'est là où je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur, qui est, de son point de vue, celui qui est le plus grand danger pour l'État qu'il représente. Bon, c'est-à-dire que le plus grand danger pour l'État qu'il représente, ce ne sont pas les voleurs et les assassins, mais ce sont les extrémistes. Bon, c'est très intéressant. Donc il est intéressant de voir quel est cet État qui a plus peur des gens qui ont des opinions politiques extrêmes que des gens qui volent et qui assassinent. C'est intéressant. Allô? Pierre, c'est Paul Delamarre. Non, je suis chez moi, je vous expliquerai. Je souhaiterais vous voir le plus vite possible. Oh non, Les Noces Rouges, c'était autre chose. Les Noces Rouges, c'était un film sur les magouillages, là, sur les petits trucs en province, les types qui essaient de monter des petits coups, les députés qui essaient de monter des petits coups, ça existe. Non, je n'ai aucune mauvaise intention à votre égard. Au contraire, mon cher Pierre, c'est très sincèrement que je vous ai offert mon amitié, vous couchez avec ma femme. J'espère que vous en retirez l'un et l'autre tout le plaisir et tout le profit que vous en attendiez. Vous le méritez. Aucun problème en ce qui me concerne de ce côté-là. Croyez-le bien, j'aime voir les gens heureux autour de moi, sans quoi me présenterai-je au suffrage de mes concitoyens. Je t'en prie, tais-toi. Allons, bon, tu me trouves indécent. Tu voudrais me voir jouer les Othello. Non, je ne suis pas complaisant, je suis compréhensif. C'est facile d'une certaine façon de dire on va montrer un député de la majorité impuissant. C'est un coup bas de dire il est impuissant. Mais je suis personnellement très favorable au guignol. Je suis très favorable au procédé qui consiste à appeler Ducon, un personnage antipathique, au pouvoir et solennel sur de soi. Donc très favorable au même titre au procédé qui consiste à faire d'un député de la majorité un impuissant et un emmerdeur, avec d'ailleurs des bons côtés parce que Pieplu est charmant d'une certaine façon. Vous fournissez à Lucienne ce qui lui manquait. Il n'y a rien à redire à cela. De plus, vous êtes d'une discrétion tout à fait remarquable vis-à-vis du candidaton et de la rumeur publique. Je ne souffre d'aucun ridicule. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et je suis très heureux, vraiment, très heureux de voir que, grâce à ma femme, votre veuvage ne vous pèse pas trop. Il y a des tas de gens qui aiment raconter des histoires avec qui je n'aimerais pas travailler. Il y a l'envie d'être acide et l'envie de traiter par le guignol. Quand je dis par le guignol, ça ne veut pas dire mécaniquement, mais disons avec de traiter par les normes de temps en temps certaines personnes, certaines institutions. Enfin, de ridiculiser les personnages importants en les traitant d'une manière un peu guignolesque. La seule chose que je vous demande, mon cher Pierre, c'est que vous marchiez avec moi dans cette affaire des terrains Glangeot. Je veux que mon nom soit associé à l'expansion de ma ville. Vous me comprenez ? La courbe descendante, qui d'œuvre en œuvre marque l'évolution de Chabrol, atteint avec les Godelureaux son point zéro. Cette suite de tics, de séquences malsaines aux comiques grotesques, ces velléités destructrices d'adolescents rageurs, ce culte de l'imbécilité, ce respect de l'aliénation, ce goût pour les cinglés et les obsédés sexuels, ces jeux de mots idiots, cette hargne, ce dédain, ces fausses audaces, ces clins d'œil pour les amis de l'exploitation systématique de l'équivoque, tout cela ne présente aucun intérêt en ce qui concerne l'art cinématographique. La bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence, infiniment plus profonde. L'intelligence, elle, a des limites, tandis que la bêtise n'en a pas. Voir un être humain profondément bête, c'est très enrichissant, et on n'a pas à le mépriser pour autant. Claude Chabrol, Les Cahiers du cinéma, 1959. Mais en revanche, un tel film peut être considéré comme un document sous l'angle de la psychopathologie. À travers lui, on pourrait psychanalyser Chabrol, ses hantises, son comportement de potache qui jette sa poudre à éternuer dans le vernissage, se moque à la fois de la fête de charité et des orphelins, déteste les autres en fondant sa haine sur une monstrueuse auto-admiration et en découvrirait, je le crains, un névrosé méchant et fat. Freddy Blash, La Nouvelle Vague, 1962. Au départ, il y a deux grandes choses. Il y a les critiques élogieuses et les mauvaises critiques. Je ne parle pas des critiques hommes, hein, je parle des critiques, les papiers. Alors, les critiques élogieuses se divisent elles-mêmes en deux catégories. Celles qui vous font plaisir, mais celles qui vous font hausser les épaules. Bon. Et les critiques, les mauvaises critiques se divisent également en deux catégories, c'est-à-dire celles qui vous font hausser les épaules et celles qui vous font, pas plaisir, mais des fois qui vous font plaisir, enfin c'est très compliqué, enfin qui vous intéressent, où on sent que le type est sur la ligne, que s'il n'a pas été d'accord sur ce film-là, il pourra l'être sur un autre. Bon. Mais il y a une chose formidable dans le métier de critique, c'est que la plupart des types ne voient pas en quoi consiste exactement le boulot. Alors, on lit souvent des énormités. Je parle, c'est surtout les critiques de quotidien, je trouve. Des fois, ils mettent des trucs techniques. Moi, j'adore quand des critiques mettent des éléments techniques. Enfin, parce que c'est toujours imbécile, toujours imbécile. Et sur les mensuels, ça l'est moins maintenant. Je veux dire que des fois, il y a des choses pas fausses. Donc, peu à peu, ils apprennent. Mais il y a un problème formidable dans la critique, c'est que je crois que, malgré tout, que tout critique, qu'on le veuille ou non, est un cinéaste rentré. Alors, à partir du moment où il est un cinéaste rentré, il n'est pas heureux dans son métier de critique. Et je crois que le cinéma doit rendre les gens heureux. Alors, Vous trouvez que c'est mieux que l'usine, le cinéma ? Je sais pas, j'ai jamais travaillé en usine. Alors, je peux pas dire, mais je m'en doute que ça doit certainement être mieux. Parce que quand on voit les gens qui sont là autour, ils ont l'air d'avoir la bonne vie quand même. Hein, bon, il y a des coups durs, sûrement. Il y a des choses pas faciles. On se couche pas tous les jours à l'heure qu'on voudrait. Hier soir, je me suis couché à 11h. J'avais commencé le matin à 6h30. La journée est longue, mais enfin, en dehors de ça, il y a quand même de bons moments. Par contre, ce qu'on va faire, on va mettre le 50. Tu le refais pas ? Non. Attends. On met le 50. Sur test. On met le 50 sur... On tire la 1, mais on refait au 50. Entre 7h30 et 8h30, je donnerai des leçons d'épluchage pour recommencer les pommes de terre. N'est-ce pas, monsieur Douarinou ? Bien sûr, madame. Mais les yeux, j'aime pas quand les pommes de terre cuisent, j'aime pas qu'elles me regardent. C'est un garçon qui respire déjà la santé, la joie de vivre. Jean Rabier, directeur de la photo. Qui adore les bonnes choses. Et je crois que dans l'équipe, nous partageons tous mon point de vue, et surtout les points de vue culinaires déjà. Même si des fois ça nuit un peu à sa mise en scène, il arrive à nous concéder des petites choses, quoi. Que des fois d'autres ne font pas. Il y aura de l'ail ? Oui, bien sûr. Formidable. Même des échalotes. Ah. Eh bien, en général, lorsque on a une bonne chair. Et on peut l'apprécier, ça contribue déjà à donner une bonne ambiance au travail. Le menu, c'est melon glacé au porto, tranche de foie de veau avec des pommes rissolées et de la salade. Vous faites un menu différent tous les jours. Tous les jours et ceci pendant 3 mois. Henriette, cantinière. Je donne jamais 2 fois la même chose, je sais pas comment je fais. Ça fait longtemps que vous connaissez, que vous travaillez avec Claude Chabrol ? Avec Claude Chabrol, oui, ça fait longtemps que je connais Claude Chabrol, ça fait une dizaine d'années que je connais. Il est Chabrol. Il est formidable. Si tous les réalisateurs étaient comme lui, ça marchait sur des roulettes. Il apprécie votre cuisine ? Je pense que oui, quand même, puisqu'il m'appelle. Puisqu'il attend 14 jours ou 15 jours pour m'avoir. Il se débrouille ailleurs en attendant que je vienne. Faut bien qu'il l'apprécie. Vous êtes très demandé ? Vous faites beaucoup de tournages ? Beaucoup, oui. Avec qui vous travaillez ? Je travaille un peu avec tout le monde, à Gaumont, la Paramount, avec tous ceux qui me demandent. Le film La Grande Bouffe, j'aime bien le film. Je trouve qu'il est très efficace en beaucoup d'endroits. C'est pas du tout un film gastronomique. Ce serait plutôt le contraire, mais je trouve très efficace dans beaucoup d'endroits. Je trouve qu'il y a une espèce de logique dans la folie qui est magnifique. Il y a un plan que je suis pas prêt d'oublier, c'est celui où on est en train de gaver Tognazzi pendant que les deux autres sont dans le frigo, là, debout au fond. Ça, c'est assez formidable. Je veux dire, quand un cinéaste arrive à ce degré de logique dans sa folie, c'est magnifique. D'interprétation à Berlin et à Saint-Sébastien. Elle va très bien, merci. Je ne peux plus. Je ne peux plus vivre avec lui. Je ne peux plus vivre avec lui. J'en ai assez. Je ne peux plus. Je ne peux plus vivre avec lui. Les choses qui m'intéressaient particulièrement dans le milieu bourgeois, c'était la façon dont il devenait fou avec le sexe. bon, ben ça y est, c'est fini maintenant. J'ai traité les, vraiment, j'ai beau chercher dans tous les sens, je vois plus comment trouver une autre approche du sujet. Je l'ai traité dans les quatre possibilités, il n'y en a pas cinq. Je traite autre chose qui m'intéresse. Il a adapté au goût du public français. On sait quand même que le public français refuse un certain nombre de choses. Jean-Patrick Manchette. Il a trouvé le joint pour raconter, en plaisant au public français, les choses qu'il avait envie de raconter. Et il a trouvé, après un certain nombre d'erreurs, l'erreur archétypique, c'est Les Bonnes Femmes, qui est un film superbe, qui s'est cassé la gueule. Et quand on l'a repassé à la télévision, Chabrol me disait lui-même, je me croyais reporté 10 ans en arrière, enfin je ne sais pas depuis combien de temps Les Bonnes Femmes ont été tournées, parce qu'il y a eu un débat après la diffusion du film à la télévision. Il y avait des dames et des messieurs qui se sont remis à discuter exactement sur le même ton et avec les mêmes idées qu'à l'époque où Les Bonnes Femmes étaient sorties, en disant c'est un film misogyne, non ça n'est pas un film misogyne, si c'est un film misogyne. Oui, oh ben c'est très simple, vous avez un mari et une femme, la femme prend un amant, le mari tue l'amant, le mari prend une maîtresse, le mari tue la maîtresse, la troisième solution qui est donnée, la femme tue son, fait tuer, enfin le mari tue sa femme. Enfin, deux êtres mariés se réunissent, le mari tue sa femme, la femme tue son mari. Enfin, je veux dire, c'est... Je veux dire, une fois que ces deux trucs sont faits, c'est fini. Les attaques qui sont portées contre Chabrol par les jeunes critiques ultra-gauchistes, ce serait que peut-être ils se bornent à la critique de mœurs. Alors, la critique de mœurs a très mauvaise presse chez les jeunes loups, parce que c'est pas la critique des bases mêmes de la société. C'est amusant quand on prend un sujet qui est les rapports sexuels dans le couple bourgeois, de traiter les quatre possibilités. Oui, ce qu'il y a de formidable dans le couple bourgeois, c'est que c'est par là que la bourgeoisie va crever, c'est par sa sexualité. Par sa sexualité réfrénée, exacerbée ou tout ce qu'on veut, mais enfin c'est par là que ça va. Non, ce qui m'intéresse, c'est un groupe social, enfin un groupe humain qui se supprime, qui disparaît peu à peu par ses propres vices, enfin par ses propres faiblesses. C'est ça qui est intéressant. Le succès de La Grande Bouffe est beaucoup moins grand que le succès du dernier tango. Je veux dire, c'est pas du tout la même fascination des gens. Je veux dire que le dernier tango, c'est autre chose. Le dernier tango, c'est le premier, vis-à-vis des spectateurs qui vont le voir, c'est le premier film très cochon qu'ils peuvent aller voir sans rougir, ce qui est très très très important. Enfin, je veux dire que ils peuvent très bien aller voir le dernier tango en disant sans tenir compte du tout du sujet, des trucs comme ça, uniquement le beurre, les doigts, le truc comme ça, uniquement ces détails-là. Et à partir de ce moment-là, ils disent oui, évidemment, c'est audacieux, mais quelle beauté dans les images, comme ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à esthétiser le Je veux pas du tout dénigrer le film, c'est un film que je trouve complètement admirable, mais pour expliquer ce gigantesque succès, c'est pas du tout libération des gens, un truc comme ça, au contraire, ça serait plutôt au contraire. C'est pas une libération parce que imaginons un couple dit bêtassement normal qui va voir le dernier tango. S'il est traumatisé, s'il se dit mon Dieu, nous n'avons rien connu de la sexualité jusqu'à maintenant, nous allons faire comme dans le dernier tango, alors c'est là où la catastrophe arrive, ils n'y arriveront pas. Il est impossible de sodomiser quelqu'un comme on le fait dans le dernier tango, c'est impossible, c'est physiquement impossible. On ne peut pas sodomiser quelqu'un qui est à plat ventre sur le ventre en train de serrer les fesses, ça n'existe pas. Même avec du beurre. Dites-moi, le petit Chabrol et quelques autres. Ah, celui qui s'est approché le plus de la perfection, je crois que c'est Fritz Lang. Dans deux films. Oui. Il y a eu le M. le Maudit. Et un de ces films américains qui s'appelait J'ai le droit de vivre. Là, c'est vraiment à la limite. Là, c'est presque arrivé au. Mais pas tout à fait. Oh là là. Il y avait encore des trous. Mais enfin, c'est lui qui s'en est vraiment rapproché beaucoup. Hitchcock. C'est autre chose parce que lui, il est arrivé à. Il a cherché autre chose. Il a cherché à perfectionner. À l'intérieur d'un certain domaine, il a cherché à perfectionner un ensemble syntaxique. Alors ça, c'est très bien. Et Hitchcock est un cinéaste complètement admirable parce que là, il arrive régulièrement à la perfection pour tourner certaines choses. Mais d'un autre côté, je dois reconnaître en avançant qu'il y a un truc quand même. Il y a un truc. Et alors, quand on a compris le truc, c'est moins impressionnant. Enfin, c'est comme les prestidigitateurs. Qu'est-ce que c'est le truc ? Ah, le truc. Oui, le truc. Voilà le truc. Le truc, c'est que les grands morceaux de Bravo d'Hitchcock, enfin, ce qui réussit parfaitement, c'est lorsque l'action réelle est en dehors de la bande son, enfin en dehors du dialogue énoncé, c'est-à-dire que des personnages parlent et pendant ce temps-là, ce qui est important se fait en dehors du dialogue, c'est-à-dire que ce qui est dans le scénario est moins important que ce qui est sur l'écran. Alors il le traduit toujours presque toujours de la même façon. Il y a des personnages qui parlent et on suit un personnage qui n'est pas un des personnages qui parle, qui n'est pas un des personnages principaux théoriquement de la scène qui se déroule, mais qui est un des personnages principaux en fait dans la continuité du film. Bon, voilà son truc. Une fois qu'on l'a compris, on peut faire ça les doigts dans le nez. On peut même chercher à le perfectionner. Dès que je sens que la tension languit un peu, allez, je fais un coup comme ça. Ça marche, c'est formidable, ça marche à tous les coups. Jean Giraud. En ce moment, il y a le type qui faisait les deux Funès, là, Jean Giraud, qui est le type même du cinéaste commercial. C'est un type qui fait les films commerciaux. Bon. Eh bien, c'est un type qui a un sens profond de la vulgarité naturelle. Je veux pas dire qu'il soit vulgaire naturellement, mais il a un sens profond de la vulgarité naturelle. C'est-à-dire de la vulgarité qui n'est pas critique, comme ça. Et les spectateurs sont ravis, ça se tape naturellement sur les cuisses. C'est difficile à faire aussi, ça. C'est... Un bon film. Oh ben bon film, il y en a beaucoup. C'est un truc qui est agréable à voir pendant 2 heures. Un bon film, c'est il y en a quand même pas mal. Mais je crois qu'il faut faire plus que des bons films. Si on fait un bon film, il y a beaucoup de gens qui font des bons films. C'est comme il y a même des écrivains qui font des bons livres qui sont pas de bons écrivains. Enfin, je crois qu'il faut être un peu plus ambitieux. Il faut faire quelque chose de superbe. Même pas un film superbe, faut faire un objet superbe. Alors là, c'est impossible, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'on peut pas. On passe son temps à essayer, on n'y arrive pas, c'est très bien. Vous voulez la suite ? Tournage Nada. Ne te guette pas, camarade. Elle est incompréhensible, cette connue. Elle va avec cette connue. J'ai vu les rushs d'une journée. Jean-Patrick Manchette. Il y a des trucs qui viennent, qui vont complètement dans le sens de l'action, complètement dans le sens des idées, disons, du texte. Et qui viennent, on a l'impression que c'est aussi avec des involtures, et je suis pas sûr du tout qu'il n'y ait pas beaucoup de sérieux derrière cette désinvolture. Ça va ? Très bien, on tire les deux. On va faire un essai, s'il vous plaît. Vous restez ici. Ah oui ? Je suis à vous, mais je vais vous arriver plus avant. Sur qui ? Voilà, comme ça, c'est pas mal. Oui, oui. Dégagez la fenêtre. Mais je suis jamais content d'un film en entier. Mais je veux dire que de temps en temps, il peut y avoir des moments, tu sais, enfin des minutes, quoi, où qui roule bien, enfin, où c'est ce que tout le film devrait être. Alors ça, à ce moment-là, on est content, ça arrive. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je crois qu'il faut... Enfin, moi, ce qui me concerne, je vois surtout mes films dans ce qui est raté. C'est-à-dire que quand je vois, je me dis, zut, ça, c'est bancal. Enfin, je vois toutes les malformations, quoi, tous les trucs bancals. Et ça mérite... Alors j'ai tendance à préférer les films où il y en a le moins. Ce que je veux dire, c'est très simple. Ce que je voudrais, c'est que c'est balayer des valeurs que je trouve fausses pour les remplacer par d'autres que je n'ai pas trouvées, ce qui est intéressant aussi. Il y a de grandes capacités techniques, mais quand je dis technique, je ne veux pas parler simplement d'objectifs de mouvement d'appareil, mais aussi sur la façon de raconter une histoire et comment la raconter au public pour que le public s'amuse ferme ou vibre ou soit ému. Je crois que c'est des gens de la nouvelle vague celui qui a le plus de technique dans ce sens large. Ah, c'est un peu de tout, mais non, c'est tout, c'est ça qui est infernal, c'est fabriquer un objet qui à la fois raconte des histoires, soit sublimement beau, fasse la révolution, montre des acteurs devenus eux-mêmes, devenus acteurs et tout ça, c'est tout mélangé, et c'est pour ça que c'est impossible. Il doit y avoir une affaire passionnelle dans cette histoire. Cette petite soupçonne sa mère, c'est affreux, c'est une femme charmante, mais, je dois dire que ça nous arrange un peu. Quand le fait divers s'approche, la politique s'éloigne. Par ailleurs, si nous ne faisons rien et que des bruits commencent à courir, ça va être le tollé, on n'a pas besoin de ça. Je trouve que, logiquement, un cinéaste est fait pour faire des films, de même qu'un boulanger est fait pour faire du pain. Vraiment, c'est aussi bête que ça. Et on peut faire des films dignes, enfin honnêtes, de facture, on pourrait pratiquement en faire deux par an. Bon, c'est un peu beaucoup parce qu'on se fatigue un peu, donc je pense que trois en deux ans, c'est très bien. Alors, je trouve que c'est un rythme très normal. Je trouve que c'est les autres qui n'ont pas un rythme normal. Ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est les autres, c'est pas les autres, c'est les autres en France ou dans certains pays européens, parce que les grands cinéastes américains ont toujours tourné deux films par an. Avant-guerre, Renoir tournait des films. Enfin, je veux dire que là, c'est tout à fait récent, cette manie de se prendre la tête à trois mains pendant quatre ans avant de pondre son petit scénario et de le tourner. Je trouve ça un peu monumental. Monsieur Maury. Je suis l'officier de police Auriol. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de la mort de M. Delamare. Moi, je suis de plus en plus pour une forme très, très simple. Plus je vois des films récents qui sont entièrement faits sur l'esthétique des publicités, enfin des films publicitaires, maintenant, l'esthétique du film publicitaire envahit le long métrage, ça devient extraordinaire. C'est pas désagréable, mais. Alors plus ça va dans ce sens-là, moi plus j'ai tendance à faire le contraire par pur esprit de contradiction, parce que les deux méthodes sont aussi bonnes. J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il a envie de faire maintenant, et de plus en plus. Plus bas, c'est quoi? Un et deux. Oui, un et deux. T'as la découverte? J'ai tout à fait. Oui, ça part un peu, mais t'as du ciel. Alors maintenant, je pense que tout cinéma est commercial, c'est-à-dire que je comprends mal comment on peut faire des films sans vouloir qu'ils soient vus. Je sais que Stache a fait un film qu'il ne veut pas montrer, mais je suis mal sérieusement. Je crois que les films doivent être faits pour être vus. Ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas faire des... Quand on fait un film, il ne faut pas Il ne faut pas penser à flatter certains goûts des spectateurs. Mais ça vient de son propre goût. Je crois que il est très difficile pour un type de fabriquer du commercial s'il n'est pas doué pour ça. Ma foi, Chabrol dit ce qu'il disait déjà quand il tournait La Muette, une critique acide d'une famille bourgeoise. Il dit la même chose en s'élargissant. Je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas parti, tout simplement? Parti? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas allés tous les deux vivre ailleurs? Tout simplement. Ailleurs? Partir? Non, nous n'avons jamais songé à partir. Mais c'est une industrie, c'est un art, c'est un artisanat. Mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des films vraiment artisanaux, pour pouvoir faire des films vraiment artistiques, il faut faire un cinéma artisanal, c'est obligatoire. Mais pour pouvoir faire ce cinéma artisanal et artistique, il faut absolument qu'il soit intégré à l'industrie. Alors c'est un problème qu'il faut résoudre. Chacun résout selon son tempérament. Chabrol est quelqu'un qui a une position et c'est quand même encore un lanceur de pavés. Il continue à l'être et il en lance de plus en plus. Et ça, c'est réjouissant. On t'en fera un spécial. Les films que je rêvais de faire, c'était en définitive, à ce moment-là, ça correspondait à des... Quand je rêvais, hein, ça correspondait à des films que je trouvais superbes, avec des trucs que j'aurais pas mis ou des trucs que j'aurais fait différemment. Enfin, peu à peu, ça, mais c'est comme ça. Mais en définitive, ce que j'ai fait n'a aucun rapport avec ce que je pensais que je ferais plus tôt. Nada, 56G sur un deuxième. Clap sur Claude Chabrol. En les renvoyant sous forme de semi-flashback, par exemple. Richard Rhin. Pierre Girard. Janine Chollet. Moteur. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 août 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.